Section 11. Chapitre 48. Condamnation d'Agis à Sparte. La révolution des 30 tyrans à Athènes eut des conséquences funestes pour la république imprudente qui l'avait favorisée. Lysandre, en faisant porter à Lacédémone l'or et l'argent de l'Attique, introduisit les vices de ce dernier pays dans sa patrie. Bientôt la simplicité de mœurs y passa pour grossièreté, la frugalité pour sottise, l'honnêteté pour duperie. Et l'effort Épitade, ayant publié une loi par laquelle on pouvait aliéner le patrimoine de ses pairs, toutes les propriétés passèrent entre les mains des riches. Et les Spartiates, jadis si égaux en rang et en fortune, se trouvèrent divisés en un vil troupeau d'esclaves et de maîtres. Tel était l'état de la République de Lycurgue, lorsqu'il s'éleva à Lacédémone, un roi digne des grands siècles de la Grèce. Agis, épris des charmes de la vertu, entreprit dans l'âge où la plupart des hommes sentent à peine leur existence, de rétablir les lois et les mœurs de l'antique Laconie. Il s'ouvrit de ses desseins à la jeunesse lacédémonienne, qu'il trouva contre son attente plus disposée que les vieillards à favoriser son entreprise. On a remarqué la même chose en France, au commencement de la Révolution. Il y a dans le bel âge une chaleur généreuse qui nous porte vers le bien, tant que la société n'a point encore dissipé la douce illusion de la vertu. Le roi de Lacédémone parvint à gagner 3 hommes d'une grande influence, Lysandre, Mandroclide et Agésilas. Il réussit de même auprès de sa mère, Agésistrata. Tout semblait favoriser l'entreprise. Lysandre avait été nommé éphore, les dettes publiquement abolies, le roi Léonidas s'était vu forcé à la fuite, après une vaine opposition au projet de son collègue Agis, et l'on avait élu son gendre, Cléombrotus, à sa place. Enfin, il ne restait plus qu'à procéder au partage des terres, lorsqu'Agésilas, qui jusqu'alors avait secondé la révolution, trahit la cause de son parti et fit changer la fortune. Ce Spartiate possédait de grandes propriétés et se trouvait en même temps écrasé de dettes. Il embrassa donc avidement l'occasion de se décharger de celle-ci, mais il ne voulut plus de la réforme aussitôt qu'elle atteignit ses biens. Ayant eu l'adresse de se faire nommer Éphore et Agis se trouvant absent, il exerça 1000 tyrannies. Les citoyens se voyant joués par Agésilas et croyant que le jeune roi s'entendait avec lui, se liguèrent ensemble et rappelèrent sous main Léonidas, ce roi exilé dont Cléombrotus occupait la place. Cependant Agis était de retour à Lacédémone. Bientôt Léonidas y rentra lui-même en triomphe. Il ne resta plus pour Agis et Cléombrotus qu'à éviter sa vengeance et celle de la faction des riches, maintenant toute puissante. Le dernier se rendit suppliant dans le temple de Neptune, et sauvé peu après par la vertu de son épouse, il fut seulement condamné à l'exil. Il n'en arriva pas ainsi du jeune et malheureux prince Agis, réfugié dans le temple de Minerve, je laisse parler le bon Amio. Ainsi Léonidas, ayant chassé Cléombrotus hors de la ville, et au lieu des premiers efforts qu'il déposa, en ayant substitué d'autres, se mit incontinent à penser les moyens comment il pourrait avoir Agis. Il tâcha de lui persuader premièrement qu'il sortît de la franchise du temple, et qu'il s'en alla avec lui en sûreté exercer sa royauté, lui donnant à entendre que ses citoyens lui avaient pardonné tout le passé, à cause qu'il commuassait bien qu'il avoit testé des ceux et circonvenu par Agésilaos, comme jeune homme désireux d'honneur qui laisse-toi. Toutefois, pour cela, Agis ne bougeait point de sa franchise. Ince avoit pour suspect tout ce que l'autre lui alléguait. Au moyen de quoi Léonidas se desporta du tâcher de l'attirer et d'abuser par belles paroles. Mais, enfin, Démocharès et Argésilaos alloi souvent le visiter et deviser avec lui, tant quelquefois qu'il le menoua jusque aux estuves. Puis, quand il s'y estait estuvé et lavé, il le ramenoua dedans la franchise du temple, car ils estoient ses familiers. Mais Amphare, ayant de naguère emprunté d'Agésistrata quelques précieux meubles, comme tapisseries et vaisselles d'argent, entreprint de le trahir, lui, sa mère et son aïeul, sous espérance que ces meubles qu'il avait empruntés lui démoureroient. Et dit-on que ce fut lui qui, plus que nul autre, presta l'oreille à Léonidas, et incita et irrita les efforts, du nombre desquels il estoie à l'encontre de lui. Comme donc Agis eussent accoustumé de se tenir tous jours le reste du temps dedans le temple, excepté que quelquefois il alloie jusque aux estuves, ils proposèrent de le surprendre quand il se roua hors de la franchise. S'y espièrent un jour qu'ils s'estaient s'estuvés, ainsi qu'ils avoient accoustumé, lui allèrent au-devant et le saluèrent, faisant semblant de la vouloir reconvoyer, en devisant et raillant avec lui comme avec un jeune homme duquel il se tenoit fort familier. Mais, quand ils furent à l'endroit du destour d'une rue tournante qui allait à la prison, Enfin, mettant la main sur lui, pour ce qu'il était magistrat, lui dit « Je te fais prisonnier, Agis, et te mène devant les efforts pour rendre compte et raison de ce que tu as innové en l'état de la chose publique. » Et lors, Démocharès, qui est toi grand et puissant homme, lui jeta aussitôt sa robe à l'entour du col et le tira par devant. Les autres le poussoient par derrière, comme ils avoient conspiré entre eux. Ainsi, n'ayant personne auprès d'eux qui puisse te secourir Agis, ils firent tant qu'ils le traînèrent en prison, et incontinent y arriva, Léonidas, avec bon nombre de soldats étrangers, qui environnèrent la prison par le dehors. Les Éphores entrèrent dedans et envoyèrent quérir ceux du Sénat, qu'ils s'avouaient bien être de même volonté qu'eux, puisqu'eux commandèrent à Agis comme par forme de procès, de dire pour quelle cause il avait fait ce qu'il avait remué en l'administration de la chose publique. Le jeune homme se prit à rire de leur simulation, et à donc en phare lui dit qu'il n'estoit pas tant de rire, et qu'il falloit qu'il payasse la peine de sa folle témérité. Un autre effort, faisant semblant de lui favoriser et de lui montrer un expédient pour échapper de cette criminelle procédure, lui demanda s'il n'avoit pas été séduit et constraint à se faire par Angésilaos et par Lysander. Agis répondit qu'il n'avoit testé, enduit, né forcé de personne, mais qu'il l'avoit fait seulement pour en suivre l'ancien Lycurgus, ayant voulu remettre la chose publique en même état que lui jadis l'avoit ordonné. Le même effort lui demanda s'il se repentoit pas de ce qu'il avait fait. Le jeune homme répondit franchement qu'il ne se repentiroit jamais de choses si sagement et si vertueusement entre princes, encore qu'ils vissent la mort toute certaine devant ses yeux. Alors ils le condamnèrent à mourir, et commandèrent au sergent de le mener dans la décade, qui est un certain lieu de la prison, là où on étrangle ceux qui sont condamnés à mourir par justice. Et Démoca, voyant que les sergents n'osoient mettre la main sur lui, et que semblablement les soldats étrangers refuient et avoient en horreur une telle exécution, comme chose contraire à tout droit divin et humain, de mettre la main sur la personne d'un roi, en les menaçant et en leur disant injure, traîna lui-même Agis dedans ceste chartre. Car plusieurs avoient désiré entendre sa prince, et il y avait là grand tumulte à la porte de la prison, force lumière, torche, et y accoururent aussitôt la mère et l'aïeul d'Agis, qui crient et requerroient que le roi de Sparte peut avoir justice, et que son procès lui soit fait par ses citoyens. Cela fut cause de faire haster et précipiter son exécution, pour que ses ennemis eurent peur qu'on ne le recourusse par force, la niette d'entre leurs mains, s'il arrivoit encore plus de gens. Ainsi estant, Agis mené à la fourche, aperçut en allant l'un des sergents qui pleuroit et se tourmentoit, auquel il dit « Mon ami, ne te tourmente point pour pitié de moi, car je suis plus homme de bien que ceux qui me font mourir si méchamment et si malheureusement. » Et, en disant ces paroles, il bailla volontairement son col au cordeau. Cependant, Enfare sortit à la porte de la prison, là où il trouva Agésistrata, mère d'Agis, qui se jeta à ses pieds, et lui la relevant comme pour la familiarité et l'amitié qu'il avait eue d'elle, lui dit qu'on ne feroit force ni violence à Argis, et qu'elle le pouvait aller voir si bon lui semblait. Elle pria qu'on laissât entrer sa mère, quand et elle. Enfarès répondit que rien ne l'empêchoit, et ainsi les met dedans toutes deux, faisant refermer les portes de la prison après elle. Mais entrées qu'elles furent, il bailla au sergent Archidamia, la première à exécuter, laquelle estoit fort ancienne, et avait vécu jusqu'à son extrême vieillesse, en plus grand honneur et plus de dignité qu'aucune autre dame de la ville. Celle-là exécutée, il commanda à Agistrata d'entrer après, et elle, voyant le corps de son fils mort et estendu, et sa mère encore pendue au gibet, aida elle-même au bourreau à la desprendre et l'estendit au long du corps de son fils. Et après l'avoir accoustrée et couverte, se jeta par terre auprès du corps de son fils en le baisant au visage. « Hélas, dit-elle, ta trop grande bonté, douceur et clémence, mon fils, sont cause de ta mort et de la nôtre. » A donc, Enfar, qui regardoit de la porte ce qui se passoit au-dedans, voyant ce qu'elle disait, entra sur ce point et lui dit en colère, « Puisque tu as été consentante du fait de ton fils, tu souffriras aussi même peine que lui. » Lors, Agistratan, se relevant pour être estranglé, « Au moins, dit-elle, puisse ceci profiter à Sparte. » Ce cas estant divulgué par la ville et les trois corps portés hors de la prison, la crainte des magistrats ne peut être si grande que les citoyens de Sparte ne montrassent évidemment qu'ils en estoient fort déplaisants et qu'ils ne haïssent de mort Léonidas et Enfar, estimant qu'ils n'avaient honte qu'esté commis un si cruel, si malheureux, ni si damnable forfait en Sparte depuis que les Doriens estoient venus habiter le Péloponnèse. Car les ennemis, même en bataille, ne mettoient pas volontiers les mains sur les rois lacédémoniens, ainsi s'en destournoient s'il leur restait possible pour la crainte et révérence qu'ils portoient à leur majesté. Il est certain que cet Argis fut le premier des rois que les Éphores firent mourir, pour avoir voulu faire de très belles choses et très convenables à la gloire et dignité de Sparte, estant en l'âge en laquelle, quand les hommes faillent, encore leur pardonne-t-on, ayant eu ses amis plus juste occasion de se plaindre de lui, que non pas ses ennemis pour ce qu'il sauva la vie à Léonidas, et se fia aux autres comme la plus douce et la plus humaine créature du monde qui l'estoie. On a pu remarquer dans cette histoire touchante plusieurs circonstances semblables à celles qui ont accompagné la mort de Louis. L'appel au peuple refusé, l'injustice et l'incompétence des juges, etc. Je vais donner l'esquisse rapide de la condamnation de Charles Ier, roi d'Angleterre, et de celle de Louis XVI, roi de France, afin que le lecteur trouve ici rassemblés sous un seul point de vue les trois plus grands événements de l'histoire. Le grand projet de juger Charles avait depuis longtemps été développé dans le conseil secret de Cromwell. Mais soit que celui-ci ne pût faire tremper le Parlement dans son crime, tandis que ce corps était encore intègre, soit, par tout autre motif, l'exécution du dessein s'était trouvée suspendue. Aussitôt que les communes furent réduites à un petit nombre de scélérats dévoués aux ordres du tyran, il lui fut aisé de faire l'étonnante tragédie. On chargea un comité d'enquérir dans la conduite de sa majesté britannique, et sur le rapport qu'il en fut fait, la chambre basse nomma une haute cour de justice, composée de 133 membres, pour juger Charles Stuart, roi d'Angleterre, comme coupable de trahison envers la nation. Cromwell et Hareton étaient du nombre des juges, Cook, accusateur pour le peuple, Bradshaw, président. Le bill fut rejeté par les pairs, mais les communes passèrent outre. Et le colonel Harrison, fils d'un boucher et le plus furieux démagogue d'Angleterre, reçut ordre d'amener son souverain à Londres. La cour était séante à Westminster. Charles parut dans cet antre de mort au milieu de ses assassins, avec les cheveux blancs de l'infortune et la sérénité de l'innocence. Depuis 18 mois accoutumé à contempler les scènes trompeuses de la vie du fond d'une prison solitaire, il n'espérait plus rien des hommes. Il parut devant ses juges dans toute la splendeur du malheur. Il serait difficile d'imaginer une conduite plus noble et plus touchante. De prince ordinaire devenu monarque magnanime, il refusa avec dignité de reconnaître l'autorité de la cour. 3 fois il fut conduit devant ses bourreaux, et 3 fois il déploya les talents d'un homme supérieur, la majesté d'un roi et le calme d'un héros. Il eut à y souffrir des peines de plusieurs espèces. Des soldats demandaient sa mort à grands cris et lui crachaient au visage, tandis que le peuple fondait en larmes et l'accablait de bénédictions. Charles était trop grand pour être ému de ces injures atroces, mais trop tendre pour n'être pas touché de ces témoignages d'amour. Ce ne sont pas les outrages, ce sont les marques de bienveillance qui brisent le cœur des infortunés. À la 4e confrontation, les juges condamnèrent à mort Charles Stuart, roi d'Angleterre, comme traître, assassin, tyran et ennemi de la République. 3 jours lui furent accordés pour se préparer. De toute la famille royale, il ne restait en Angleterre que la princesse Élisabeth et le duc de Gloucester. Charles obtint la permission de dire un dernier adieu à cet aimable enfant qui, sous les traits naïfs de l'innocence, semblait déjà porter le cœur sympathique d'un homme. Durant les 3 jours de grâce, l'intrépide monarque dormit d'un profond sommeil au bruit des ouvriers qui dressaient l'appareil de son supplice. Le 30 de janvier 1649, le roi d'Angleterre fut conduit à l'échafaud, élevé à la vue de son palais, raffinement de barbarie qui n'a pas été oublié par les régicides de France. On avait eu soin d'entourer le lieu du sacrifice d'une foule de soldats, de peur que la voix de la victime ne parvînt jusqu'au peuple, rangé au loin, dans une morne épouvante. Charles, voyant qu'il ne pouvait se faire entendre, voulut du moins laisser en mourant une grande leçon à la postérité. Il reconnut que le sang de l'innocent qu'il avait autrefois permis de répandre rejaillissait justement sur lui. Après cet aveu, il présenta hardiment la tête au bourreau, qui la fit voler d'un seul coup. Passons à la condamnation de Louis XVI. La monarchie française n'existait plus, le descendant d'Henri IV attendait à chaque instant que les régicides consommassent le crime, et le crime fut résolu. De tous les serviteurs de Louis XVI, un seul était resté à Paris. Ce digne vieillard, le plus honnête homme de la France, de l'aveu même des révolutionnaires, s'était tenu éloigné de la cour durant la prospérité du monarque. Ce fut sans doute un beau spectacle que de voir M. Malesherbes, honoré de 72 années de probité, se rendre, non au palais de Versailles, mais dans les prisons du Temple, pour défendre seul son souverain infortuné, lorsque les flatteurs et les gardes avaient disparu. De quel front les prétendus républicains osaient-ils regarder à leur bas l'ami de Jean-Jacques Rousseau, celui qui, dans le cours d'une longue vie, s'était fait un devoir de prendre la défense de l'opprimé contre l'oppresseur, et qui, de même qu'il avait protégé le dernier individu du peuple contre la tyrannie des grands, venait à présent plaider la cause d'un roi innocent contre les despotes plébéiens du faubourg Saint-Antoine. Ah, il était donné à notre siècle de contempler le vénérable magistrat revêtu de la chemise rouge, monté sur un tombereau sanglant, et mené à la guillotine entre sa fille, sa petite-fille et son petit-fils, aux acclamations d'un peuple ingrat dont il avait tant de fois pleuré la misère. Vertueux Malesherbes, vos mânes illustres habitent maintenant un séjour de paix. D'autres, plus heureux que moi, ont mêlé leur sang au vôtre. C'était ma destinée de traîner après vous sur la terre une vie désormais sans illusion et pleine de regrets. Mais pourquoi parlerais-je du jugement de Louis XVI? Qui en ignore les circonstances? Qui ne sait que tout fut inutile contre un torrent de crimes et de factions? Agis, Charles et Louis périrent avec tout l'appareil et toute la moquerie de la justice. Laissons d'Orléans observer son roi et son parent, la lorgnette à la main et prononçant la mort à l'effroi même des scélérats. Fions-nous-en à la postérité dont la voix tonnante gronde déjà dans l'avenir. À la postérité qui, juge incorruptible des âges écoulés, s'apprête à traîner au supplice la mémoire pâlissante des hommes de mon siècle. Le fatal 21 de janvier 1793 se leva pour le deuil éternel de la France. Le monarque, averti qu'il fallait mourir, se prépara avec sérénité à ce grand acte de la vie. Sa conscience était pure et la religion lui ouvrait les cieux. Mais que de liens il avait eu auparavant à rompre sur la terre. Louis avait vu son épouse, il avait vu aussi sa fille et son jeune fils qui couraient parmi les gardes en demandant la grâce de son père. Tant d'angoisses ne déchirèrent jamais le cœur d'un autre homme. L'heure était venue, le carrosse attendait à la porte. Louis descendit avec son confesseur. Il ne put s'empêcher dans la cour de jeter un regard vers les fenêtres de la reine où il ne vit personne. Ce regard-là dut peindre bien de la douleur. Cependant, le roi était monté dans la voiture qui roulait lentement au milieu d'un morne silence. Louis, répétant avec son confesseur les prières des agonisants, savourait à longs traits la mort. Il arrive enfin à la place où l'instrument de destruction était élevé à la vue du palais de Henri IV. Louis, descendu de la voiture, voulut au moins protester de son innocence. « Vous n'êtes pas ici pour parler, mais pour mourir. » lui dit un barbare. Ce fut alors que l'on vit un des meilleurs rois qui ait jamais régné sur la France, lié sur une planche ensanglantée comme le plus vil des scélérats, la tête passée de force dans un croissant de fer et attendant le coup qui devait le délivrer de la vie. Et comme s'il ne fût pas resté un seul Français attaché à son souverain, ce fut un étranger qui assista le monarque à sa dernière heure au milieu de tout son peuple. Il se fait un grand silence. « Fils de Saint-Louis, vous montez aux cieux !» s'écrie le pieux ecclésiastique en se penchant à l'oreille du monarque. On entend le bruit du coutelas qui se précipite. Ainsi les Grecs virent tomber Agis, roi de Sparte. Ainsi nos aïeux furent témoins de la catastrophe de Charles Stuart, roi d'Angleterre. Ainsi a péri sous nos yeux Louis de Bourbon, roi de France. Je n'ai rapporté en détail l'exécution du second que pour montrer jusqu'à quel point les Jacobins ont porté l'imitation dans l'assassinat du dernier. J'ose dire plus, si Charles n'avait pas été décapité à Londres, Louis n'eût vraisemblablement pas été guillotiné à Paris. Si nous comparons ces trois princes, la balance quant à l'innocence penche évidemment en faveur d'Agis et de Louis. L'un et l'autre furent pleins d'amour pour leur peuple, l'un et l'autre succombèrent en voulant ramener leurs sujets à la liberté et à la vertu. Tous les deux méconnurent les mœurs de leur siècle. Le premier dit aux Spartiates corrompus « Redevenez les citoyens de Lycurgue » et les Spartiates le sacrifièrent. Le second donna aux Français à goûter le fruit défendu. « Tout ou rien » fut le cri. Charles, dans une monarchie limitée, avait envahi les droits d'une nation libre. Louis, dans une monarchie absolue, s'était continuellement dépouillé des siens en faveur de son peuple. Les trois monarques, bons, compatissants, moraux, religieux, eurent toutes les vertus sociales. Le premier était plus philosophe, le second plus roi, le troisième plus homme privé. La destinée se servit de défauts diamétralement opposés dans leur caractère pour leur faire commettre les mêmes erreurs et les conduire à la même catastrophe. L'esprit de système dans Agis, l'obstination dans Charles et le manque de vouloir dans Louis. Tous les trois, modérés et sincères, se firent accuser tous les trois de despotisme et de duplicité. Le roi de Lacédémone, en s'attachant avec trop d'ardeur à ses notions exaltées, le roi d'Angleterre, en n'écoutant que sa volonté, le roi de France, en ne suivant que celle des autres. Quant aux souffrances, Louis, au premier coup d'œil, semble avoir laissé loin derrière lui Agis et Charles. Mais qui nous transportera à Lacédémone? Qui nous fera voir le digne imitateur de Lycurgue, obligé de se tenir caché dans un temple pour prix de sa vertu, et, en attendant la mort, méditant au pied des autels sur l'ingratitude des hommes? Qui nous introduira auprès du malheureux Charles, abandonné de l'univers entier? Qui nous le montrera à Carisbrooke, avec sa barbe négligée, sa tête vénérable blanchie par les chagrins, et dans le matin un pauvre vieillard, sa seule compagnie, a allumé son feu? Le reste du jour livré à une vaste solitude et veillant dans les longues nuits sur sa triste couche pour entendre retentir les pas des assassins dans les corridors de sa prison. Enfin, qui nous ouvrira les portes du temple? Qui nous introduira auprès du roi de France, à peine vêtu, livré à des barbares qui l'obsédaient sans cesse? Et le cœur, fendu de douleur, au spectacle des misères de son épouse et de ses enfants, incessamment sous ses yeux. Voyons Agis, trahi par ses amis, traîné à travers les rues de Sparte, au tribunal du crime. Le tendre Charles, dans Whitehall, tenant son fils sur ses genoux et donnant à l'enfant attentif un dernier conseil et un dernier baiser. Louis, dans le temple, disant le fatal adieu à sa famille. Le roi de Lacédémone étranglé ignominieusement dans le cachot des scélérats, et bientôt suivi au tombeau par sa mère et son aïeul Auguste. Le roi d'Angleterre sur l'échafaud, se dépouillant à la vue de son peuple et se préparant à la mort. Le roi de France au pied de la guillotine, les cheveux coupés, la chemise ouverte et les mains liées derrière le dos. Terminons ce parallèle affligeant pour l'humanité. Monarque ou esclave, guerrier ou philosophe, riche ou pauvre, souffrir et mourir, c'est toute la vie. Entre les malheurs du roi et ceux du sujet, il n'y a pour la postérité que cette différence qui se trouve entre deux tombeaux, dont l'un chargé d'un marbre douloureux se fait voir durant quelques années, tandis que l'autre, couvert d'un peu d'herbe, ne forme qu'un petit sillon que les enfants du voisinage, en se jouant, ont bientôt effacé sous leurs pas. Je ne ferai que quelques courtes réflexions sur ces événements fameux. Les grands crimes comme les grandes vertus nous étonnent. Tout ce qui fait événement plaît à la multitude. On aime à être remué, à s'empresser, à faire foule, et tel honnête homme qui plaint son souverain légitime massacré par une faction serait cependant bien fâché de manquer sa part du spectacle, peut-être même trompé s'il n'allait pas avoir lieu. Voilà la raison pour laquelle les révolutions où il a péri des rois éblouissent tant les hommes, et pour laquelle les générations suivantes sont si fort tentées de les imiter. Lorsqu'on mène des enfants à une tragédie, ils ne peuvent dormir à leur retour si l'on ne couche auprès d'eux l'épée ou le poignard des conspirateurs qu'ils ont vus. D'ailleurs, il y a toujours quelque chose de bon dans une révolution, et ce quelque chose survit à la révolution même. Ceux qui sont placés près d'un événement tragique sont beaucoup plus frappés des maux que des avantages qui en résultent. Mais pour ceux qui s'en trouvent à une grande distance, l'effet est précisément inverse. Pour les premiers, le dénouement est en action, pour les seconds, en récit. Voilà pourquoi la révolution de Cromwell n'eut presque point d'influence sur son siècle, et pourquoi aussi elle a été copiée avec tant d'ardeur de nos jours. Il en sera de même de la Révolution française, qui, peut-être, bouleversera l'Europe future. Mais la grande différence qui se fait sentir entre les troubles de Sparte sous Agis, ceux de l'Angleterre sous Charles Ier et ceux de la France sous Louis, vient surtout des hommes. À qui peut-on comparer parmi nous un Lysandre, patriote, ferme, intègre et modèle des vertus antiques, un Cromwell, cachant, sous une apparence vulgaire, tout ce qu'il y a de grand dans la nature humaine? Profond, vaste et secret, comme un abîme, roulant une ambition de César dans une âme immense, trop supérieure pour être connue de ses collègues, hors du seul Hampden qui l'avait su pénétrer. Lui opposerons-nous le sombre Robespierre, méditant des crimes dans la cavernité de son cœur, et grand de cela même qu'il n'avait pas une vertu. Rapprocherons-nous du vertueux Hampden, qui l'eût été même dans Rome, du premier Brutus, ce Mirabeau à la fois législateur, chef de parti, orateur, nouvelliste, historien, d'une politique incommensurable, savant dans la connaissance des hommes, à la fois le plus grand génie et le cœur le plus corrompu de la Révolution. Lorsqu'il se trouve de telles disproportions entre les hommes, il en doit exister de très grandes entre les temps où ces hommes ont vécu. Mais il faut maintenant revenir sur nos pas au siècle d'Alexandre. Fin de la section 11.